Si je le connais, répondit-elle. Non, ma foi, non, je ne l'ai jamais vu. Comment, le cousin de Madame Marneffe ne venait jamais la voir quand elle demeurait rue du Doyenné? Ah, c'est son cousin! S'écria Madame Olivier. Il est peut-être venu, mais je ne l'ai pas reconnu. La première fois, monsieur, je ferai bien attention. Il va descendre, dit Hulot vivement, en coupant la parole à Madame Olivier. Mais il est parti, répliqua Madame Olivier, qui comprit tout. La voiture n'est plus là. Vous l'avez vu partir? Comme je vous vois, il a dit à son domestique, à l'ambassade. Ce ton, cette assurance, attachèrent un soupir de bonheur au baron. Il prit la main à Madame Olivier et la lui serra. Merci, ma chère Madame Olivier, mais ce n'est pas tout. Et Monsieur Crevel? Monsieur Crevel? Que voulez-vous dire? Je ne comprends pas, dit Madame Olivier. Écoutez-moi bien. Il aime Madame Marneffe. Pas possible, monsieur le baron, pas possible, dit-elle en joignant les mains. Il aime Madame Marneffe, répéta fort impérativement le baron. Comment font-ils? Je n'en sais rien. Mais je veux le savoir, et vous le saurez. Si vous pouvez me mettre sur les traces de cette intrigue, votre fils sera notaire. Monsieur le baron, ne vous mangez pas les sangs comme ça, reprit Madame Olivier. Madame vous aime, et n'aime que vous. Sa femme de chambre le sait bien, et nous disons comme cela que vous êtes l'homme le plus heureux de la terre, car vous savez tout ce que vaut madame. Ah, c'est une perfection. Elle se lève à 10 heures tous les jours. Pour lors, elle déjeune, bon. Eh bien, elle en a pour 1 heure à faire sa toilette, et tout ça l'amène à 2 heures. Pour lors, elle va se promener aux Tuileries, au vu et au su de tout le monde. Elle est toujours rentrée à 4 heures, pour l'heure de votre arrivée. Oh, c'est réglé comme une pendule. Elle n'a pas de secret pour sa femme de chambre, reine n'en a pas pour moi. Allez, reine ne peut pas n'en avoir, rapport à mon fils, pour qu'elle ne l'a des bontés. Vous voyez bien que si madame avait des rapports avec monsieur Crevel, nous le saurions.